qu'est-ce que l'amour? Quoi que j'ai pu dire, quoi que j'ai pu faire, il ne s'agissait que d'amour. Quoi que les gens disent, c'est pas leurs affaires. Pour moi, il n'y avait que de l'amour. On rejoue les clichés pour légitimer qu'il ne reste plus d'amour. Pas de remise en question, on se met la pression alors qu'on parle d'amour. Quoi que t'aies pu dire, quoi que t'aies pu faire, je n'en voyais que de l'amour. L'amour, c'est la haine à l'envers. Et happy end, c'est dans les feux de l'amour. On rejoue les clichés pour légitimer qu'il ne reste plus d'amour. Pas de remise en question, on se met la pression alors qu'on parle. Mes actes sont sincères, on a rejoué l'histoire à l'envers. Vrai le maladroit, surtout fier. J'aime comme un connard, mais qu'est-ce que l'amour? Mes actes sont contraires, je t'ai suivi sur terre, même en enfer. Vrai le maladroit, mais surtout fier. J'aime comme un connard, mais qu'est-ce que l'amour? Pour moi, il n'y avait que de l'amour.